Hey yo! Ratatatatatatata! Yeah man! Special combination! Justin Shella! Original tune! Yeah man! Respect all time! Laissons parler les gens! Laisse parler les gens! Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs! Et alors? Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs! Et alors? On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs! Et alors? Je savais. Si je savais. Laissons parler les gens.